Bonsoir à toutes et à tous. C'est Thierry Gallet, c'est la saga des Fab Four numéro 632 sur RIG 90.7 ou www.rigfm.fr. J'espère que vous allez bien. Moi, on va dire ça va, moyen quand même. Il y en a qui savent, il y en a qui ne savent pas. Bon, c'est pas grave, on n'est pas là pour parler de moi. L'album de la semaine, c'est l'album Please Please Me with Love Me Do and 12 Other Songs, le premier album des Beatles officiel en 1963. On écoutera l'éternel, le fantastique, le génial, la première chanson de l'album, I Saw Her Standing There. Il y aura également Chains. J'ai fait exprès. I Saw Her Standing There, chanté par Paul. Chains, chanté par George. Boys, chanté par Ringo. Love Me Do, Please Please Me. Twist and Shout, chanté par John. Donc, il y en a un petit peu pour tout le monde. Ce sera pour l'album de la semaine. Il y aura également du McCartney, du Lennon, du Harrison et du Starr. Pour McCartney, ce sera Another Day, extrait d'un single en 1971. Pardon. Il y aura pour John Lennon, Cripple Inside, sur Imagine, en 1971. John Lennon, je l'ai dit. George Harrison, je ne sais pas ce que je fais, il va falloir que je me remette dans les rails. George Harrison, ce sera waouh, waouh! Mais la pédale waouh, pas le chien qui fait waouh, sur All Things Must Pass en 70. Quant à Ringo Starr, il nous chantera Oh oui! Vous savez que j'aime bien cette chanson-là. Sur Goodnight Vienna en 1974. Il y aura plein d'autres trucs. On est ensemble pour Arla, cette fois-ci, c'est sûr. 2 heures et peut-être un tout petit peu plus, parce que Eric n'est pas là ce soir, donc on va pouvoir mettre toute la programmation sans enlever la moindre chanson. Et ça, ça me fait plaisir. Mais j'aime bien quand Eric est là, hein. Pas de problème. Bon, est-ce que vous êtes prêts? On se retrouve sur Facebook, dans le groupe La Saga des Fab Four sur RIG. Et tout va bien se passer. On commence dans une poignée de secondes, 10 secondes pour être exact, avec le premier titre, I Saw Her Standing There, et le fameux 1, 2, 3, 4. Bonne soirée à vous sur RIG 90.7, c'est la radio des Beatles. One, two, three, four! Well, she was just 17, you know what I mean. And the way she looked was way beyond compare. So how could I dance with another?

Every day she takes a morning bath, she wears a hair, wraps a doll around her as she's heading for her bedroom chair. It's just another day, slipping into stockings, stepping into shoes, dipping in the pocket of her raincoat. Oh, it's just another day. En 1971, il a fallu acheter des albums, hein, 70 et 71. Surtout, 70, il y a eu deux albums pour Ringo Starr, un album pour Paul McCartney, un pour George Harrison, mais qui était un triple album, donc ça a dû monter la cagnotte. Un pour John Lennon, en 1970. Je crois qu'on a fait le tour, non? George Harrison, Ringo Starr, Paul McCartney, John Lennon, oui, voilà. Et puis, l'année suivante, on a quasiment remis ça. Donc on est passé. Eh oui, puis il y a eu un album Beatles en 1970. Eh oui, l'album Let It Be. Donc ça a dû coûter cher cette année-là. Moi j'avais 6 ans à l'époque, je m'en intéressais pas vraiment. Moi, mais enfin, je me suis rattrapé, je crois, depuis. Justement, puisqu'on parle de 1970, cet album extraordinaire de George Harrison, All Things Must Pass, et cette chanson, Wow Wow, sur R.I.G. Je vous donne qu'un seul conseil, montez le son. Thank you.

and I tell you, your lips are sweet. I'd like to kiss them, but I can't break away from all of these chains. My baby's got me locked up in chains. George Harrison, quand même, il n'y a aucun problème. Nous allons Je connais quelqu'un qui va boire deux cafés, l'un à la suite de l'autre. Je les mets en premier, comme ça, on s'en débarrasse. C'est pas parce que je l'aime pas, John Lennon, mais c'est parce que un d'entre vous, parmi les centaines de milliers qui écoutaient la saga des Fab Four, n'est pas fan de John Lennon après la séparation. Il le supporte pendant les Beatles, mais après la séparation, ça le fait moins. Alors je les passe vite, comme ça on n'en parle plus. Voici John Lennon par deux fois. D'abord c'est Meat City sur l'album Mind Games, et ensuite Old Dirt Road sur Walls and Bridges. Mind Games c'est en 73, la chanson suivante c'est en 74. Ce sont deux bonnes chansons. C'est la saga. Et deux cafés dans un mug, la saga des Fab Four. Oh, magnifié par le long gémissement solitaire et aérien de la guitare de Jess Ed Davis. Old Dutch Road fut co-signé par Harry Nilsson, qui la composa avec John à l'époque de l'enregistrement de l'album Pussycats et assurait les chœurs sur cette chanson. Principal complice du Week-end perdu, Nilsson était un chanteur et un compositeur à ce point admiré par les membres de l'ancien groupe de John qu'il l'appelait le Beatle de l'autre côté de l'eau. En 1980, John avait tendance à minimiser ses compositions de cette époque et il réduisit ce morceau au simple résultat d'une beuverie avec Nilsson. « C'est juste une chanson, vous savez », a-t-il dit à Playboy. Oui, j'avais acheté, non pas le Playboy, mais je le dis à chaque fois parce que ça m'amuse, le livre qui avait repris cette interview. Oui, oui, je pourrais vous le prouver, je dois l'avoir quelque part, le livre. « C'est juste une chanson, vous savez. Comme on était piégé dans cette bouteille de vodka, on s'est dit qu'on pouvait tout aussi bien essayer de faire quelque chose. » Ce commentaire est loin de rendre justice à cette chanson. Clin d'œil probable au vieux blues de Charlie Patton, And Going Down That Dirt Road, auquel Howling Wolf offrit une deuxième jeunesse sur le disque qu'il enregistra en 70 à Londres avec Eric Clapton. Cette collaboration Lennon-Nilsson dégage une douce tristesse réellement touchante. Harry Nilsson fut tout particulièrement affecté par la mort de John. Dans les années qui suivirent et jusqu'à sa propre mort en janvier 1994, il joua un rôle très actif dans la coalition américaine contre la violence par arme à feu. Entre-temps, il avait appris à regretter sa participation aux folles vacances de John. Il avait l'impression qu'on le considérait souvent comme responsable d'incidents comme celui du troubadour. « Cette histoire m'a collé à la peau pendant 10 ans, raconta-t-il. Faites boire un Beatles et vous voyez ce qui arrive. » Alors cet incident du troubadour, eh bien, il faudra que je cherche parce que je ne sais pas de quoi il parle. Mais peut-être que vous le savez, on peut chercher sur Internet. La suite de la saga des Fab Four, eh bien, j'ai voulu, dans les chansons que j'ai choisies de Paul McCartney, vous proposer des chansons rarement passées dans la saga. Et ce n'est pas parce que je les aime pas, c'est parce qu'il a fait tellement de chansons, Paul, que ça n'est pas toujours facile pour moi de vous proposer sans arrêt des chansons. En voici une, par exemple. En 1986, sur l'album Press to Play, voici... Good times coming, feel the sun sur RG. Toujours le pôle positif. Le pôle qui voit le bon temps qui arrive. Et puis le soleil qui arrive aussi. Et puis RG sur 90.7. Et la saga des Fab Four. Et c'est fabuleux. Good times coming in. Good times coming. Good times coming in. Golden summer wasn't it hard? carrying something. I'm carrying something for you. A long time no see, baby. Sure has been a while. And if my reappearance lacks a sense of style, I'm carrying something. I'm carrying something for you. Oh. I'm carrying, come help it. I'm carrying something for you. I'm carrying something. I'm carrying something for you. Qu'est-ce qu'elle est belle cette chanson, extrait de l'album London Town par Paul McCartney en 1978. I'm carrying. Vraiment, il a une voix extraordinaire sur cette chanson-là. Il a toujours eu une voix extraordinaire. Bon, un peu moins maintenant. Mais quand même, chapeau. Et si on revenait sur l'album de la semaine? L'album de la semaine, c'est l'album Please Please Me with Love Me Do and 12 Other Songs. On va l'appeler Please Please Me, ça sera plus rapide. C'est le premier album des Beatles en 1963. Voici un nouvel extrait. C'est Ringo Starr qui chante Boys sur RG. fameux album Please Please Me en 1963, l'un des points forts des Beatles fut d'être déjà des musiciens chevronnés quand débuta leur carrière cinématographique, pas encore, discographique déjà, en 1962, puisque Love Me Do est sorti en octobre 1962. Lorsqu'ils enregistrèrent leur premier album, ils s'étaient déjà forgés sur le terrain une solide expérience de la scène et maîtrisaient la soul, le gospel, le rhythm and blues et le rock'n'roll. Ils savaient comment on construisait une chanson parce que, ne pouvant s'offrir les partitions, ils avaient dû déchiffrer les textes et les accords à l'oreille en écoutant les disques. Le fait d'avoir joué devant des adolescents amoureux au Cavern Club de Liverpool et devant des hommes d'affaires allemands ivres dans des bars de Hambourg leur avait appris à exciter, calmer et séduire un public. John et Paul jouaient ensemble depuis 5 ans. George était là depuis presque aussi longtemps et l'arrivée de Ringo dans le groupe était récente, mais il le connaissait depuis 1959. Et l'expérience qu'il avait acquise avec Rory Storm and the Hurricanes était tout à fait comparable à la leur, puisqu'ils avaient joué dans les mêmes salles. À ce stade, le répertoire des Beatles était celui de tous les autres groupes, les meilleures chansons des artistes les plus célèbres du moment. Le premier nom de la liste était évidemment Elvis Presley. Ils reprirent une trentaine de chansons qu'il avait enregistrées, ainsi que des morceaux de Chuck Berry, Buddy Holly, Carl Perkins, Gene Vincent, Fats Domino, Jerry Lee Lewis, Larry Williams, Ray Charles, etc., etc., etc. Et les Everly Brothers aussi pour les harmonies vocales. C'est à partir de leur musique que John et Paul apprirent à composer leurs propres chansons, parce que je me souviens d'une réflexion de Paul dans une interview, je ne sais plus laquelle. Il avait dit, à ce stade, lorsqu'on jouait à Liverpool ou lorsqu'on jouait à Hambourg, tous les groupes jouaient à peu près la même chose. Alors on s'était dit, pour être mieux que les autres, il faut composer nos propres chansons. C'est ce qu'ils ont fait. Ils se réunissaient dans la maison de Paul pour écrire leur futur titre. Ils se plaisaient à rassembler des souvenirs, des mots, des accords pour en tirer quelque chose qui leur était personnel. C'est pour cette raison qu'un riff de basse fut intégré à « I Saw Her Standing There », une chanson inspirée par une jeune fille aperçue au Tower Ballroom de New Brighton. Et cela explique également comment le son de la voix de Roy Orbison a pu inspirer « Please Please Me », le premier 45 tours des Beatles. Leur chanson, oh, c'est le deuxième, parce que le premier c'était « Love Me Do », allons. C'est celui qui a marché en tout cas, « Please Please Me », puisque « Love Me Do » c'était 17e. C'est déjà bien pour un premier disque. Leurs chansons naissaient parfois de leurs observations, des incidents de la vie quotidienne, mais le plus souvent, les textes comme les accords dérivaient de ce qui avait été déjà écrit dans le passé. À cette époque, les textes avaient pour seul rôle de participer au son et à l'ambiance de la chanson. Il n'était pas question de transmettre un message. La quasi-totalité de leur premier album fut enregistrée en une seule séance, le 11 septembre 1963. Please Please Me, sorti le 22 mars 1963, se classa très vite en tête des charts britanniques. Et tout ça pour vous dire que ça, c'est en 1963. 7 ans plus tard, juste 7 ans plus tard, ils ont fait du chemin, les Beatles. Les voici en 1970. Ils reprennent une chanson qu'ils avaient composée durant les années 50, avant leur premier album de 1963. Ils l'ont remis au goût du jour, c'est One After 909, en 1970. twice. Come on, baby, don't be cold as ice. Say you're traveling on the one after nine, oh. You said you're traveling on the one after nine, oh. avouer que cette chanson aurait pu sortir du temps des Beatles, parce que elle est vraiment très très bonne, Ringo chante bien. Et c'était en 1992 sur un album indispensable, l'album qui s'appelle Time Takes Time. Il y a Brian Wilson sur cette chanson-là et je m'en doutais, j'en étais persuadé parce que les tubes, tubes, tubes, c'est vraiment du style de Brian Wilson. Les Beach Boys, oh, ben oui, vous le saviez. Vous êtes sur RIG 90.7, je vous ai réveillé, désolé. Ça se passe bien, c'est la saga des Fab Four numéro 632 et on continue jusqu'à 22h. Passez un petit peu, on n'hésitera pas. Eric n'est pas là ce soir, on lui souhaite plein de bonnes choses, hein. Il reviendra très bientôt, mais on va en profiter discrètement. Extrait des sessions de l'album Rock'n'Roll, c'est To Know Her Is To Love Her, une chanson qui n'est pas de John Lennon, mais qui est de Phil Spector, mais qui est sympa. Thank you. Galley, animateur radio, un homme élevé aux Beatles. Chers auditeurs, nous pouvons l'écouter. Nous en avons la possibilité technique. Nous sommes capables de partager cette passion avec le Beatlesman. Thierry Galley est devenu cet homme. Passionnant. Passionné. En un mot, le meilleur. L'homme qui aimait les Beatles. Sur Érigé, la saga des Fab Four. Love Me Do fut le premier 45 tours et le premier succès des Beatles, 17e, dans le hit parade. La chanson, tout comme l'image du groupe, fut une bien étrange surprise pour une génération qui avait dû se contenter durant les 3 années précédentes d'une musique, on va dire insipide, chantée par des garçons aux cheveux courts et aux sourires éclatants. Love Me Do est une composition de jeunesse signée Paul McCartney, dont les paroles sont aussi simples que faire se peut. Les mots sont presque tous monosyllabiques et « love » est répété 21 fois. D'ailleurs, « love », ce sera le message principal des Beatles. Et ça, c'est bien par rapport à ce qui se fait maintenant, où c'est gros mots sur gros mots, etc. Oui, je suis vieux jeu, mais n'empêche, c'était bien « love ». Voilà, ça c'est mon commentaire à moi. Bon, le message est simple. Je t'aime, alors aime-moi. Quelque chose différencie pourtant « Love Me Do » des blouettes adolescentes qui encombraient la radio à l'époque. L'empreinte du gospel dans le chant que souligne l'harmonica de John et l'étonnante mélancolie des harmonies vocales. Voilà ce qu'on pouvait dire au sujet de cette chanson-là. Maintenant, dans la saga des Fab Four, c'est le temps de la cover. La cover, c'est une chanson chantée par John, Paul, Ringo ou George, que ce soit avec les Beatles, entre 62 et 70, ou en carrière séparée, à partir de 70 jusqu'à maintenant, 2025, hein, pourquoi pas. Même si eux-mêmes, les quatre de Liverpool, reprenaient une chanson de quelqu'un d'autre. Harrison l'a fait pas mal de fois. Bon, John Lennon l'a fait aussi. Paul McCartney l'a fait rarement, mais l'a fait. Et puis, il en reste un, Ringo Starr, il l'a fait aussi. Bon, bref. Bref, ça peut être quelqu'un de connu ou pas. Et là, c'est une chose assez amusante. C'est un groupe qui était en sorte un croisement entre les Beatles et le groupe Queen. Il s'appelle les Quatles and Bean. Voici leur version de Revolution sur RIG. C'est la cover de la saga des Fab Four. You broken by destruction. Don't you know that you can count me out? Don't you know it's gonna be des potes, vous êtes bien sur RIG 90.7, c'est la radio des Beatles, c'est la saga des Fab Four, la saga numéro 632 avec un album de la semaine, l'album Please, Please Me, sorti en 1963 par les Beatles. Et la chanson qui suit, c'est pas toujours le cas, qui suit la cover, c'est souvent une chanson ressemblant à ou un truc comme ça. Et ça vous a plu la dernière fois, donc je vais vous proposer peut-être quelques titres, on verra, de l'album All You Need Is Cash, des Ruttles, donc, dont un des membres fait partie des Monty Python, grand copain de George Harrison. Le titre qui ressemble à une chanson des Beatles, vous allez voir, ça s'appelle Ouch, et c'est sur RIG. Ouch, you're breaking my heart. Ouch, I'm falling apart. Ouch, ouch, ouch, ouch. When we first met, I must admit, I felt for you right from the start. Now when we meet, all kinds of things, it seems to upset the apple cart. All kinds of things, it seems to upset the apple cart. Ouch, don't desert me. Ouch, please don't hurt me. Ouch, ow, ow, ouch. What is this thing called love? Why do they say it makes the world go round? Called love, why do they say it makes the world go round? I can't explain the way I feel for you. My feet don't touch the ground. The way I feel for you, my feet don't touch the ground. Ouch, don't desert me. Ouch, please don't hurt me. Ouch, ow, ow, ouch. When we first met, when I must admit, I fell for you right from the start. I must admit I fell for you. Now when we meet, all kinds of things, it seems, upset the apple cart. All kinds of things, it seems, upset the apple cart. Ouch, don't deserve me, ouch, please don't hurt me, ouch, ow, ow, ouch. Ouch, don't deserve me, ouch, please don't hurt me, ouch, ow, ow, ouch. Born my God, born my God, born my God.

le fait d'avoir progressé dans la technologie permet des choses extraordinaires. Il y a 40 ans de ça, quand j'ai démarré la saga des Fab Four, j'amenais 2 bacs de disques et j'en amenais plus trop pour faire l'émission qui ne durait pas forcément 2 heures au début, mais on ne pouvait pas changer la programmation comme ça. Et là, je lis sur Facebook, dans le groupe La Saga des Fab Four, Jean-Marcel qui me dit « Est-ce que on pourra écouter Anna ? Ce serait pour ma belle-sœur qui ne se sent pas bien en ce moment. » Eh bien, qu'à cela ne tienne, pour la belle-sœur de Jean-Marcel, voici, avant d'écouter George Harrison, ce sera juste après, voici une chanson qui n'était pas prévue, extraite de l'album de la semaine, Anna, Go to Him, sur RIG, pour la belle-sœur de Jean-Marcel. Say he loves you more than me, so I will set you free. Go with him. Go with him. Anna, girl, before you go now, I want you to know now that I still love you so. But if he Remarqué, ça marche par deux. Deux Harrison à l'instant. This guitar can keep from crying sur l'album Extra Texture, Read All About It en 75. Et l'autre, c'était Sue Me, Sue You Blues sur l'album Living in a Material World, mais celui du 50e anniversaire sorti l'année dernière, en 2024. Donc c'était 51e anniversaire. Bon, on va pas chipoter, puisque l'album Living in a Material World est sorti en 1973. La chanson suivante, je l'ai programmé en pensant à un pote qui est routier et qui est mon voisin. Enfin, mon voisin, il habite dans la région de... Puisque là, on est à Blanquefort, il habite dans la région. Il s'appelle Pascal. Voici pour toi, chanson que t'aimes bien, je le sais. Don't look at me, it's way too soon to see what's gonna be. Don't look at me. What I could do, then we were new. Ooh. You came along and made my life a song. One night and day, you came along. Just in time, while I was searching for a ride, you came along, then we were new. You see, there's no guarantee, we've got nothing to lose. Don't look at me, I can't deny the truth. It's plain to see, don't look at me. All my life, I never knew what I could be, what I could do. No guarantee, we've got nothing to lose. Don't look at me, way too soon to see what's gonna be. Don't look at me. All my life I never knew what I could be, what I could do. When we were new. Extrait de l'album de la semaine. L'album de la semaine, c'est Please Please Me with Love Me Do in 12 Other Songs. Et le titre de cette chanson-là, c'est la dernière chanson enregistrée. John Lennon a mis tout ce qu'il avait. Il a fait deux prises et c'est la première qui a été retenue parce que, deuxième, il n'avait plus de voix. Voici Twist and Shout sur RIG. That's all right. That's all right, no more. Anyway, you do. Yeah, that's all right, no more. Anyway, you do. That's all right. Anyway. Extrait de l'album Good Rocking Tonight, The Legacy of Sun Records, sorti en 2001. C'est Paul McCartney, mais attention. D'abord, avec le, qu'on appelle ça, la contrebasse utilisée dans les sessions d'enregistrement d'Elvis. Et pas seulement, il y avait Scotty Moore et DJ Fontana. Scotty Moore, c'est le guitariste, DJ Fontana, c'est le batteur. Deux musiciens des débuts d'Elvis sur cette chanson-là, qui valait quand même son coup d'oreille. On a presque fini, mais on va déborder un petit peu. D'abord, tranquille, comme si c'était la fin de l'émission, on met les trois chansons, mais les dernières après vont vous faire remuer à plus de 22 heures, je vous le promets. Collé dans un nuage, Stuck Inside a Cloud, George Harrison sur son dernier album, Brainwashed, sur RG. Never smoked so much. Lost my concentration. I could even lose my touch. Talking to myself, crying out loud. Only I can hear you. Stuck inside a cloud. Some exhibition. I lost my will to eat. Only thing that matters to me is to touch your lotus feet. Talking to myself. Inside a cloud, talking to myself. So crazy, but I've never felt so sure. I wish I had the answer to give. Don't even have the cure. Just talking to myself. your name? Where are you going to? What's your game? Shadows are showing through. How can I try to convince you that love and peace and kindness can change your world? Every day there's a new sun rising, rising up into the night. And every day there's a new horizon, everywhere another mountain to climb. Every day another lesson to learn, everywhere another face to turn. For the stars, rewind for the world, rewind for the world. I read all the news, heard all the chatter, just looking for truth. Everything matters. The best that we can. Right now, this is my truth. I'm telling you, man. Every day there's a new sun rising, rising up into the night. And every day there's a new horizon, everywhere another mountain to climb. Every day another lesson to learn, everywhere another page to turn. Reach for the stars, rewind for the world, rewind for the world. A new sun rising, rising up into the night. And every day there's a new horizon, everywhere another mountain to climb. Every day another lesson to learn, everywhere another face to turn. Reach for the stars. About you, I never want to live without you. And every time you come around, I'm spellbound. I'm spellbound. Yeah. When I see you on the boulevard, my spirit flies and my heart beats hard with a love that's deathless. And I'm about you, I wonder how I live without you. For a thousand yesterdays, Eurostar par deux fois. Rewind Forward, extrait de l'album Rewind Forward en 2023 et Breathless sur l'album Look Up en 2025. En théorie, la saga s'arrêtait là. J'ai pris mon temps parce que je savais qu'Eric n'était pas là. Mais étant donné que Eric justement est absent, on va prolonger de trois chansons de plus, plus le petit bonus post-générique, et vous allez danser. Oh! Je sais, vous auriez voulu qu'on continue encore pendant 3 heures. J'aurais presque pu, mais pas en ce moment. Donc, je vous souhaite plein de bonnes choses. Pour ceux qui sont au courant, je vous enverrai un petit mot sur Facebook pour vous dire que je suis bien arrivé. Et puis, on se retrouve, j'espère bien, la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Vous voulez savoir quel sera l'album de la semaine prochaine ? J'ai déjà préparé la saga. Où est-ce que je l'ai mis ? Ne bougez pas, je reviens. Pas de mémoire, on va regarder. Mais justement, ça tombe bien. L'album de la saga prochaine, de la semaine prochaine, ce sera Memory Almost Full, la mémoire quasiment pleine, de Paul McCartney en 2007. À très très bientôt. Salut, bisous aux filles, poignement aux garçons. Et puis merci à Rick de m'avoir laissé 21 minutes de plus, plus le petit bonus qu'il y aura juste après le générique. À très très bientôt, bonne semaine. À très bientôt, salut. was certain.